3-1, text workup. Listen to the text on the recording. Repeat and answer according to the directions. Une salle de cours, un professeur, des étudiants. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je suis le professeur. Nous allons apprendre le français. Vous êtes d'accord? Tout le monde a compris? Bonjour mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle. Bonjour mademoiselle, bonjour mademoiselle, bonjour mademoiselle. Bonjour madame, madame, madame. Bonjour madame. Bonjour monsieur, monsieur, monsieur, monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Mesdames, mesdames. Mesdemoiselles, mesdemoiselles, mesdemoiselles. Messieurs, messieurs, messieurs. Nous allons apprendre le français. Le français. Nous allons apprendre le français. Vous êtes d'accord? D'accord? D'accord? D'accord? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Ben oui, vous êtes le professeur, nous sommes les étudiants et nous allons apprendre le français. Oh, mais vous parlez français? Vous êtes français? Non. Mais vous savez le français? Un petit peu. Ah bon? Oui, vous êtes le professeur, nous sommes les étudiants et nous allons apprendre le français. Oui, vous êtes le professeur, le professeur. Vous êtes le professeur, vous êtes le professeur. Nous sommes les étudiants, nous sommes les étudiants, les étudiants. Nous sommes les étudiants. Nous sommes les étudiants. Mais vous parlez français. Vous parlez français. Vous parlez français. Mais vous parlez français. Vous êtes français? Vous êtes français? Vous êtes français?